Chapitre 15e, la lettre de Marie. Il était midi passé lorsqu'Edward Arundel parut dans la salle à manger. Les fenêtres étaient ouvertes, et le parfum du résida de la terrasse pénétrait dans l'intérieur de l'appartement avec la chaude brise de l'été. Mrs. Marchmont était assise à un bout de la longue table et lisait un journal. Elle releva la tête à l'entrée d'Edward. Elle était pâle, mais pas beaucoup plus pâle que d'habitude. L'éclat fiévreux avait disparu de ses yeux, et son regard était sombre. « Bonjour, Livy, » dit le jeune homme. « Mary n'est pas encore levée, je suppose ?»« Je crois que non. »« Pauvre petite fille, un long sommeil lui fera du bien après son premier bal. » Comme elle était jolie et gracieuse avec sa toilette de gaze blanche et sa couronne de perles sur ses beaux cheveux bruns. « Je pense que c'est vous, Olivia, qui lui avez conseillé de se parer ainsi. » Elle ressembla à une boule de neige au milieu d'autres fleurs éclatantes, les roses, les lys jaunes, les pivoines et les dahlias. Cette Miss Hickman, l'aînée, est bien belle, mais elle le sait trop. Cette petite fille de Swampington, aux boucles noires, est passable, et Laura Filmer est une gaie et hardie jeune fille. Elle vous regarde bien en face, et elle parle chasse avec autant d'aplomb qu'un vieux piqueur. Les trois grandes filles aux cheveux roux du Major Howley ne m'inspirent pas grand-chose, mais leur frère, Fred Howley, est un garçon parfait. Quel dommage qu'il ne soit pas militaire. En somme, ma chère Olivia, je crois que votre bal a eu du succès, et j'espère que vous nous en donnerez un autre à la saison de la chasse. » Mrs. Marchmont ne daigna pas répondre au verbiage oiseux de son cousin. Elle soupira tristement et s'occupa à verser dans la théière l'eau de la cafetière en argent façonnée à l'antique. Edward s'approcha de l'une des fenêtres et siffla pour attirer vers lui un paon qui se promenait majestueusement sur la balustrade en pierre. « J'ai idée de vous mener en voiture avec Mary sur le bord de la mer dès que nous aurons déjeuné. Livy, cela vous plairait-il ? » Mrs. Marchmont secoua la tête. « Je suis beaucoup trop fatiguée pour songer à sortir aujourd'hui, » lui dit-elle avec mauvaise grâce. « Moi, je n'ai jamais été mieux disposée de ma vie, » répondit le jeune homme en riant. « Le bal de la nuit passée semble m'avoir animée. Je voudrais que Mary descendît, » ajouta-t-il avec un bâillement. « Je lui donnerai du moins une autre leçon de billard. » « Pauvre petite fille, je crains bien qu'elle ne soit jamais très robuste. » Le capitaine Arundel s'assit à la table du déjeuner et but la tasse de thé que lui versa Olivia. Si elle eût été une criminelle d'un autre genre, elle aurait peut-être mis de l'arsenic dans la tasse et coupé court de cette façon à l'existence du jeune officier et à sa folie à elle. Mais elle se contenta de s'asseoir à côté de lui sans toucher à son déjeuner et de le regarder pendant qu'il avalait une tranche de pâté et prenait son thé avec cet appétit qui est généralement le partage de la jeunesse et des gens dont la conscience est tranquille. Il se leva de table dès qu'il eut fini et s'écria avec impatience. « Qu'est-ce qui rend Mary si paresseuse ce matin, elle qui se lève habituellement de bonne heure ?» Mrs. Marchmont se leva pendant que son cousin parlait ainsi, et un vague sentiment de malaise s'empara de son esprit. Elle se rappela la pâle figure qui avait pâli sous le feu de son regard colère, et le sombre désespoir qu'elle avait lu sur la physionomie de l'orpheline quelques heures auparavant. « Je vais aller l'appeler moi-même, » dit-elle. « Ou plutôt non, j'enverrai Barbara. » Elle ne tira pas le cordon de la sonnette, mais elle fut dans le vestibule et cria d'une voix aigre « Barbara ! Barbara !» Une femme sortit à l'appel de Mrs. Marchmont d'un corridor qui aboutissait à la chambre de la femme de charge. Elle avait à peu près 50 ans, une robe en étoffe grise et une figure grave, impénétrable, et ne laissant percer aucun indice du caractère de celle qui la possédait. À juger Barbara Simons par sa physionomie, on pouvait la proclamer tout aussi bien une Mrs. Fry qu'une Mrs. Brandreg. Les deux hypothèses étaient admissibles. « Barbara, montez appeler Miss Marchmont, » dit Olivia. « Le capitaine Arundel et moi, nous avons fini notre déjeuner. » La femme obéit, et Mrs. Marchmont revint à la salle à manger, où Edward essayait de se distraire avec le Times de la veille. 10 minutes après, Barbara Simons reparut portant une lettre sur un plateau d'argent. Si le morceau de papier eût été une condamnation à mort ou une dépêche télégraphique annonçant le débarquement des Français à Douvres, la servante, bien dressée, l'eût placée sur un plateau avant de le présenter à sa maîtresse. « Miss Marchmont n'est pas dans sa chambre, madame. » Le lit n'a pas été défait, j'ai trouvé sur la table cette lettre à l'adresse du capitaine Arundel. La figure d'Olivia devint livide, une peur horrible s'empara d'elle. Edward saisit la lettre que la servante lui tendait. Mary absente de chez elle ? Au nom du ciel, qu'est-ce que cela signifie ? s'écria-t-il. Il déchira l'enveloppe. L'écriture n'était pas facile à déchiffrer, à cause des larmes versées par l'orpheline sur le papier. « Mon cher Edward, je vous ai aimé si tendrement et vous avez été si bon pour moi que j'ai complètement oublié combien j'étais indigne de votre affection. Mais je n'oublie plus maintenant. Il s'est passé quelque chose qui m'a ouvert les yeux sous ma folie. Je sais à présent que vous ne m'aimez pas et que je n'ai aucun droit à votre amour. Je n'ai ni les charmes, ni les attraits que possèdent tant d'autres femmes et pour lesquelles vous auriez pu m'aimer. Je vois à présent, cher Edward, que tout mon bonheur n'a été qu'un rêve insensé. Mais ne croyez pas que je blâme personne pour ce qui est arrivé. Prenez ma fortune. Jadis, lorsque j'étais petite fille, je demandais à mon père de me laisser la partager avec vous. Je vous demande aujourd'hui de la prendre en entier, mon cher ami. Moi, je m'éloigne pour toujours d'une maison où j'ai appris combien peu de bonheur peuvent procurer les richesses. Ne vous affligez pas à cause de moi. Je prierai pour vous toujours. Toujours je me souviendrai de votre bonté pour mon pauvre père. Toujours je me reporterai par la pensée. Vers ce jour où vous vintes nous voir dans notre pauvre logement. Je ne m'entends nullement aux affaires de ce monde, mais j'espère que la loi me permettra de vous donner Marchmont Towers et toute ma fortune, quelle qu'elle soit. Montrez à M. Paulette cette dernière partie de ma lettre, pour qu'il comprenne bien que je vous abandonne tous mes droits à dater d'aujourd'hui. Adieu, cher ami, songez à moi quelquefois, mais que ce ne soit jamais avec tristesse. Marie Marchmont. C'était tout. C'était là la lettre que l'orpheline au cœur brisé avait écrite à son amant. Elle ne différait aucunement de celle qu'elle aurait pu écrire 9 ans plus tôt dans Oakley Street. Elle était aussi enfantine par son ignorance et son inexpérience que féminine par le dévouement et l'abnégation. Edward Arundel regarda ces simples lignes comme un homme qui rêve et qui doute de son identité et de l'existence réelle du monde qui l'entoure. Il lut et relut la lettre ligne par ligne d'abord, avec stupéfaction et en prononçant les mots machinalement au fur et à mesure, puis avec l'intelligence complète de leur signification qui se fit jour lentement dans son esprit. Sa fortune, il ne l'avait jamais aimée. Elle avait reconnu sa folie. Que signifiait tout cela? Où était la clé du mystère de cette lettre qu'il avait pétrifiée, égarée au point de lui faire perdre la faculté de réfléchir? Il s'était séparé d'elle à la pointe du jour, et l'innocente figure de l'orpheline s'était tournée vers lui, rayonnante d'amour et de confiance. Et maintenant, la lettre lui échappa des mains et voltigea jusqu'à terre. Olivia Marchmont se baissa pour la ramasser. Son mouvement tira le jeune homme de sa stupeur et en ce moment, il aperçut la figure livide de sa cousine. Il tressaillit comme si la foudre eût éclaté à ses pieds. Une idée soudaine, comme une inspiration, lui traversa le cerveau. « Lisez cette lettre, Olivia Marchmont, » dit-il. La femme obéit. Elle lut lentement et délibérément l'épître enfantine que Mary avait écrite à son amant. Dans chaque ligne, dans chaque mot, la veuve reconnut l'effet de son œuvre terrible. Elle vit avec quelle force le poison distillé par sa langue envenimée avait pénétré dans le cœur innocent de la jeune fille. Edward Arundel la regardait avec des yeux enflammés. Le grand et robuste soldat tremblait de colère. Il suivit le mouvement des yeux de sa cousine, d'une ligne à l'autre de la lettre de Mary Marchmont, attendant qu'elle eût fini. Alors son indignation éclata dans toute sa violence, et Olivia Marchmont frissonna sous le regard ardent de son cousin. Était-ce là l'homme qu'elle avait appelé frivole? Était-ce là le dandy en habit rouge qu'elle avait méprisé? Était-ce là le représentant frisé et parfumé de la jeunesse élégante, dont la conversation n'allait pas au-delà de la description d'une chasse à la bécassine ou au renard? La méchante femme baissa les paupières en détournant les yeux et elle recula devant ce hardi accusateur. « Ce mal est votre œuvre, Olivia Marchmont, » s'écria Edward Arundel. « C'est vous qui m'avez calomnié auprès de la fille de mon ami mort. Quel autre que vous oserait accuser de bassesse un Dangerfield Arundel? Quel autre serait assez vil pour me proclamer traître et menteur? C'est vous qui avez murmuré de honteuses insinuations aux innocentes oreilles de cette pauvre enfant. Je n'ai pas besoin de votre pâleur mortelle pour confirmer en moi cette idée. C'est vous qui avez banni Mary Marchmont de la demeure où vous auriez dû l'abriter et la protéger. Vous lui portiez envie, je suppose. Vous lui enviez la fortune qui aurait pu servir à votre triste ambition, à votre déplorable fierté, à cette fierté qui vous a toujours éloigné de ceux qui vous eussent aimé, peut-être, à cette ambition qui a fait de vous une femme mécontente et au cœur aigri, dont la sombre figure fait peur à l'amour. Vous avez porté envie à la douce jeune fille que vous a confiée votre mari mort et qui aurait dû être sacrée pour vous. Vous lui avez porté envie et vous avez saisi la première occasion de la frapper au cœur. Quel autre motif pouvez-vous avoir pour agir aussi méchamment? Aucun, j'en atteste le ciel. Pas d'autre motif. Olivia Marchmont se laissa tomber sur le parquet aux pieds de son cousin. Elle n'était pas agenouillée, mais accroupie sur le tapis, ses mains jointes étaient serrées convulsivement et sa tête s'inclinait sur son sein. Elle ne prononça pas un mot, pour se justifier ou pour nier. Les reproches qui pleuvaient sur elle ne provoquèrent pas de réponse. Mais dans les profondeurs de son cœur retentissaient ces paroles d'Edward Arundel, « La fierté qui vous a toujours éloigné de ceux qui vous eussent aimé peut-être. Une femme mécontente dont la sombre figure fait peur à l'amour. » « Oh mon Dieu !» se dit-elle, « il aurait donc pu m'aimer, si j'eusse fait taire mon angoisse pour lui sourire et le flatter. » Et alors une indifférence glacée s'empara d'elle. Que lui importait d'être haï et repoussé par Edward Arundel? Il ne l'avait jamais aimé. Son amitié insouciante avait creusé entre eux un gouffre aussi profond que celui que creuse la haine. Peut-être même sa haine de fraîche date se rapprochait-elle plus de l'amour que son indifférence d'autrefois, car il songerait à elle maintenant, quoique en mal. « Écoutez-moi, Olivia Marchmont, dit le jeune homme, pendant que la femme, toujours accroupie près de lui, confessait sa faute par l'abandon de ce désespoir. En quelque endroit que soit allée cette jeune fille, bannie d'ici par votre méchanceté, je la suivrai. Ma réponse aux accusations que vous avez dirigées contre moi sera mon mariage immédiat avec la fille de mon ancien ami. Il me connaissait assez bien, lui, pour ne pas me croire un misérable chercheur de fortune, et il voulait que je devinsse le mari de sa fille. Je serais un lâche et un imbécile si je me laissais un seul instant influencé par la calomnie distillée par vous à l'oreille de Miss Marchmont. Ce n'est pas seulement ma personne que vous avez diffamée, c'est aussi l'habit que je porte et la famille à laquelle j'appartiens. Et mon mépris pour vos infâmes insinuations sera ma meilleure justification. Quand vous aurez appris que j'ai gaspillé la fortune de Miss Marchmont ou dépouillé de leur patrimoine les enfants que je demande à Dieu que Marie m'accorde, vous aurez le droit de publier partout que votre parent Edward Angerfield Arundel est un misérable aventurier. » Il se dirigea vers le vestibule, laissant sa cousine sur le parquet, et elle l'entendit en dehors de la salle à manger appeler les domestiques et leur faire des questions. Il ne put le renseigner sur la fuite de Marie. Son lit n'avait pas été défait, personne ne l'avait vu quitter la maison. Il était donc plus que probable qu'elle était partie le matin de bonne heure avant qu'il eût quelqu'un de levé. Où était-elle allée? Le cœur d'Edward Arundel battit avec force pendant qu'il s'adressait cette question. Il se rappela combien de fois il avait entendu raconter que des femmes jeunes et innocentes comme Mary Marchmont avaient cherché à se détruire dans le premier moment d'une douleur violente. Avec quelle facilité cette pauvre enfant qui croyait son rêve de bonheur à jamais disparu pouvait s'être glissée à travers le bois sombre jusque sur le bord de la rivière aux eaux noirâtres pour se précipiter dans le courant et cacher sa douleur sous la surface calme des ondes. Il se la représentait comme une nouvelle Ophélie, aussi pâle et aussi pure que l'infortunée dont l'amour avait été dédaigné par le prince danois, flottant sous les branches des saules et lentement emportée par le courant jusqu'à l'endroit où elle plongerait dans un gouffre sans fond. Ses réflexions lui vinrent à l'esprit avec la rapidité de l'éclair, mais il les chassa aussitôt. La lettre de Mary était empreinte d'une douce résignation plutôt que d'un désespoir insensé. « Je prierai d'abord pour vous. Je me souviendrai toujours de vous, avait-elle écrit. Son amant se rappelait combien l'orpheline avait eu de chagrin à supporter dans sa vie si courte. Il jeta un regard en arrière sur les jours de son enfance où elle avait été pauvre et dévouée. Elle avait perdu sa mère de bonne heure. Elle avait été chagrinée par le second mariage de son père et souffert cruellement de la mort de ce père bien-aimé. Les malheurs s'étaient succédés rapidement et n'avaient été séparés les uns des autres que par de courts intervalles de tranquillité. Elle était donc habituée à la douleur. C'est l'âme qui ne sait pas ce qu'est l'affliction, c'est le cœur rebelle qui n'a jamais connu la souffrance, qui se désespère et succombe à la folie dès les premières atteintes. Mary Marchmont avait appris à souffrir à la rude école du malheur. Edward Arundel s'avança sur la terrasse et relut la lettre de l'orpheline disparue. il était plus calme, et il était à même d'envisager les difficultés et les incertitudes embarrassantes de la situation. Il perdait du temps, peut-être, en s'arrêtant à délibérer, mais il était inutile de courir précipitamment et sans savoir de quel côté à la recherche de la maîtresse perdue de Marchmont Towers. L'un des grooms était dans les écuries en train de seller le cheval du capitaine Arundel, et pendant ce temps-là, le jeune homme fut tout seul sur la terrasse à réfléchir à la lettre de Mary. Une résignation complète se lisait dans chaque ligne de cette épître enfantine. L'héritière parlait très résolument de l'abandon de sa fortune et de sa demeure. Il était donc clair qu'elle avait eu l'intention de quitter le Lincolnshire, car elle savait évidemment qu'on ferait immédiatement des démarches pour la retrouver et la ramener à Marchmont Towers. Où avait-elle pu aller dans son inexpérience du monde? Sans doute vers les humbles parents de sa pauvre mère, dont John avait parlé dans sa lettre à Edward Arundel, et avec qui le jeune homme savait que Mary avait entretenu une correspondance en leur envoyant une foule de petits cadeaux achetés avec son argent de poche. Ses parents étaient de petits fermiers du Berkshire et habitaient un endroit nommé Marlingford. Edward savait leur nom et celui de leur ferme. « Je m'informerai d'abord à la station de Camberling, se dit-il. Il y a un train venant du nord qui s'arrête à Camberling un peu avant 6 heures. Mary a pu le prendre facilement s'il est parti d'ici à 5 heures. » Le capitaine Arundel revint dans le vestibule et appela Barbara Simons. La servante répondit à ses nombreuses questions d'un air rebelle, mais elle lui dit que Mary Marchmont avait laissé sa toilette de bal sur le lit et mis une robe en cachemire gris bordée de noir, qu'elle avait porté comme demi-deuil un chapeau de paille noire avec un voile de crêpe et un mantelet de soie frangé de dentelle. Elle avait emporté aussi un petit sac de voyage, un peu de linge, car les tiroirs de sa commode étaient ouverts et ce qu'il renfermait était en désordre, et le petit écrin en maroquin où elle serrait ses parures en perles et la bague en diamant que lui avait laissé son père. « Avait-elle de l'argent ?» demanda Edward. « Oui, monsieur, elle en avait toujours. Elle en dépensait beaucoup chez les pauvres qu'elle visitait avec ma maîtresse, mais elle devait avoir de 10 à 20 livres dans sa bourse. » « Elle a dû aller dans le Berkshire, » songea Edward Arundel. L'idée de se rendre chez ses humbles amis a dû s'offrir tout d'abord à son esprit. Elle est allée chez la sœur de sa mère pour lui demander asile dans sa paisible ferme en échange de ses bijoux. Elle a dû agir comme quelqu'une des héroïnes des vieux romans qu'elle lisait dans Oakley Street et se souvenir de ces jeunes filles à l'esprit simple qui n'hésitent pas à renoncer à un château et à une couronne pour aller dans le monde gagner leur pain quotidien en robe de satin blanc et en cheveux épars entourés d'un bandeau de perles. Le cheval du capitaine Arundel fut amené au perron pendant qu'il tenait en main la lettre de Mary et attendait le moment de s'élancer à la recherche de son amour perdu. « Dites à Mrs. Marchmont que je ne reviendrai ici qu'en ramenant sa belle-fille avec moi, » dit-il à son groom. Puis, sans ajouter un mot, il s'empara des rênes qui flottaient sur le cou de son cheval et s'éloigna au galop sur l'allée carrossière qui menait aux grandes grilles en fer de Marchmont Towers. Olivia entendit cet ordre qu'il avait prononcé d'une voix claire et sonore, comme le bruit d'un corps qui retentit au pont-levis d'un château fort en signe de défi chevaleresque. Elle se posta à l'une des fenêtres de la salle à manger, et de derrière les rideaux en velours fané, elle vit disparaître son brave et beau cousin, comme les chevaliers errants du Moyen-Âge, et fidèle comme Bayard lui-même.